Les vivres offerts en Corée par le gouvernement de la Fédération de Russie via le Programme mondial de l'alimentation sont arrivés le 16 courant au port de Chongjin de la province du Hamgyong du Nord.